L'homme au chat par Jean Rameau. Monsieur Richard Peters, parisien retiré des parisienneries, était devenu campagnard à la suite d'écœurantes mésaventures. Pour ses narines délicates, l'époque où il avait la disgrâce de vivre devenait plus nauséabonde qu'une ménagerie. Il avait donc acheté une gentilhommière en ruine dans le Languedoc, et il vivait là comme un paysan, tout seul, sans donner le moindre signe de vie à ses amis de naguère, tous des snobs ou des fêtards. Désabusé de tout, ne comptant sur rien, il vieillissait en savourant sa misanthropie comme elle est aigre. Mais il finit par s'ennuyer dans son ermitage. L'homme, paraît-il, est un animal sociable. Évidemment. Mais il s'agit de s'entendre. Quelle société lui faut-il? Monsieur Peters n'en souffrait plus que de bêtes. L'humanité l'intéressait moins qu'un troupeau de buffles. Avec ceci du moins. On n'a pas besoin de causer. Monsieur Peters sortait des salons où l'on cause. À quelle bête allait-il donc confier le soin de le distraire? Après de minutieuses comparaisons, il opta pour les chats. Il se croyait encore assez sensible pour se lier d'amitié avec des félins. Il pria donc sa servante de lui procurer deux petits chats. Ce furent deux minets quelconques, sans race, des échappés de gouttière, qui n'auraient été admis dans aucune exposition. Il les trouva bientôt adorables. Des chatons d'un mois ou deux, doux au toucher comme des pelotes de velours, amusants à voir comme des clowns muets. Ceux qu'ils jouaient ensemble. Et il daignait même jouer avec lui, les mignons. Il se garda bien de les repousser. Il se mit à quatre pattes comme eux, fit presque autant de cabrioles qu'eux, avec moins de grâce, hélas. Quand les minets eurent 6 mois et furent moins enclins à jouer, l'âge de raison arrive vite pour les bêtes, M. Peters se procura 2 autres chats nouveau-nés et se remit à folâtrer avec eux comme il avait fait avec les précédents. Et trouvant à leur commerce des béatitudes croissantes, il se mit au régime d'un chat par saison, si bien qu'il en eut successivement 10, 20, 30. Alors ce furent les grandes ivresses. M. Peters estima sa façon de vivre la plus réjouissante du monde. Il regarda jouer ses chats et prit en pitié ses contemporains qui allaient voir des ébats de saltimbanques ou des cuillères, de danseurs ou de mimes, pauvres gens qui cherchaient des distractions à l'opéra ou à la comédie, dans les cirques ou les cinémas, et ceux auxquels il fallait des livres, oh là là, et ceux auxquels il fallait des séances d'académie ou de boxe, des acrobaties d'aviateurs ou des congrès de savants, oh là là. Que faisait-il de plus beau que 2 petits chats qui jouent? Que savait-il de plus que 2 animaux d'un mois? Où étaient les plus drôles et les plus utiles? Il ne se lassait pas d'admirer leurs sauts, leurs pirouettes, leurs contorsions, leurs corps à corps. Il avait toujours 3 ou 4 chats sur son lit et 5 ou 6 sur sa table. Pas d'autres invités. Il perdait toutes les habitudes humaines. Il ne parlait plus que la langue miaou. Il se promenait dans sa maison avec une ficelle attachée à l'un de ses boutons et traînant sur le parquet. À l'autre bout de cette ficelle, il accrochait un bouchon de liège ou de papier, et aussitôt qu'il se mettait en marche, il voyait bondir de toutes parts des minets joueurs, cachés sous les lits ou les bahuts, qui voulaient attraper ce bouchon et faisaient 1000 gambades folles, telles des hommes d'État autour d'un portefeuille. Enthousiasmé, M. Peters se courbait pour amasser 2 ou 3 de ces minochons, les embrassait, fourrait son vieux nez dans leurs poils, mordit à une oreille par-ci, un bout de queue par-là, frottait ses moustaches aux leurs et se déclarait le plus enviable des mortels. Seigneur, aurait-il voulu prier en langue miaou, vous qui avez fait les hommes et les serpents, les femmes et les fouines, soyez bénis quand même, puisque vous avez fait les petits chats. Oui, mais il s'aperçut bientôt qu'il y avait des inconvénients à élever tant de chats. La servante, estimant que la maison sentait mauvais, lui en noya 4. Celle qui la remplaça, trouvant qu'il y avait trop de travail, lui en empoisonna 6. Une 3e tendit des traquenards autour de la maison et lui en estropia 12. C'est qu'il n'y avait pas seulement des petits chats, il y en avait d'adultes, de vieux, de tout âge. Il restait une parcelle de cœur dans la poitrine de M. Peters et il gardait tous ses chats, même quand ils devenaient tristes comme des philosophes ou miteux comme des poètes. C'est pourquoi il trouva difficilement une 4e servante. Pourtant, une paysanne se présenta, maigre et déguenillée, avec un enfant d'un an ou 2 dans ses bras, et 2 autres, de 3 ou 4, accrochés à sa robe. À sa vue, M. Peters recula légèrement. « Cette marmaille ?» Néanmoins, il interrogea la bonne femme. Elle semblait fort convenable. Elle dit qu'elle se contenterait de gages modestes, très modestes, si monsieur lui permettait de garder auprès d'elle ses 3 enfants. 4, bientôt, avoua-t-elle en rougissant, car elle était enceinte. « 1, encore ?» grommela l'homme au chat en se dressant. Il allait renvoyer cette mère féconde quand il vit, grand Dieu, ce qu'il vit. L'un des enfants, celui qui avait 2 ou 3 ans, s'était détaché de la robe de sa mère, et voyant sur une table de jardin un os laissé par quelque chat, l'avait porté à sa bouche. « Oh, Fernand !» gronda la paysanne en reprenant son petit, et des larmes de honte parurent dans ses yeux. « Il faut lui pardonner, monsieur, » bredouilla-t-elle. « Il ne sait pas ce qu'il fait, c'est si jeune, et puis quand on a faim, n'est-ce pas ?» Par terre, il y avait une soucoupe à demi pleine de crème, un reste de chat également, et l'autre petit, celui de 3 ou 4, louchait fort vers cette crème. M. Peters regardait, se taisait et rougissait à son tour. Dans sa poitrine, la parcelle de cœur qu'il avait encore dut remuer doucement, et dans sa tête, le peu de raison qui s'attardait dut s'éveiller aussi. « Alors, pensa-t-il, quand j'ai moi tant de bêtes gorgées de nourriture, il y a des mères quelque part dont les enfants n'ont pas de quoi manger ?» Il alla prendre la main du petit goulu, le fit entrer dans la cuisine, le fit asseoir, et lui servit une aile de poulet reste du déjeuner. Et à ses frères, il offrit lui-même des brioches, des confitures, un laitage. Et à la mère, il présenta du gigot, et pour tous, il demanda du vin. À tous, il versa du café. Ragaillardis, les enfants se déridèrent bientôt, devinrent joyeux et turbulents. Peters en vit un qui se mettait à 4 pattes sous la table et jouait au toutou avec son cadet. Le plus petit, étalé sur le dos, prenait son pied nu avec sa main et lui faisait un discours en prose inconnue aussi imprécise que la langue miaou. Ah, mais ces enfants étaient aussi drôles que des chats. Ils avaient la même grâce, la même candeur, la même insouciance heureuse, des yeux aussi étonnés et aussi purs, et ce qu'ils étaient touchants lorsque leur menton se plissait pour pleurer. L'homme au chat demeurait interdit. Il découvrait l'enfance. Il en avait si peu vu. Et combien de Français étaient dans son cas? Oh, les fils des hommes, quand ils ne sont pas encore des hommes, n'est-ce pas divin? Troublé, il dit à la paysanne, « Madame, j'accepte vos offres de service. Vous pouvez entrer tout de suite chez moi, vous et votre petite famille, mais à une condition. » « Laquelle, monsieur ? » demanda la femme avec inquiétude. « C'est que vous ferez un enfant tous les 2 ans, au moins. » Ahurie, éblouie, elle déclara. « Bon Dieu, si ce n'est que ça, c'est dans mes moyens, monsieur. C'est ce qu'il me semble. Et je pourrais les garder ici, tous ? » ?»« Parfaitement, tous. » « Ah, mais s'il faisait du mal aux chats, des fois, il n'y aura plus de chats. Il n'y aura que des enfants. Et rassurez-vous, ceux-là, on n'aura pas besoin de les noyer. Quand ils seront grands, sérieux, sournois, bons à rien, on en fera... »« Quoi donc ?» demanda la maman. « Mais des gens chics, des avocats, des ministres, des ambassadeurs, que sais-je ? En attendant, mouchez-les donc, s'il vous plaît. » Ainsi parla l'homme au chat, devenu l'homme au mioche. Quant à lui, s'il se ruine à élever tant de marmots, il espère obtenir pour ses vieux jours un emploi de surveillant dans quelques pouponnières. C'était L'homme au chat par Jean Rameau.